Wow, original Brodavalski comme Hagen dans la dancehall. Toi-même tu sais. Man, c'est... Hey, no. Team fight. Vous deux les man et le woman dans la place. Est-ce que vous êtes prêts à jumper avec Brodavalski? Comme la gaine. C'est le broda, vibe son système. Gimme la mic again. Tout le monde sur la scène, se déchaîne again. Comme la gaine. C'est le broda, vibe son système. Gimme la mic again. Tout le monde sur la scène, se déchaîne. Oh, good boy, ramène-toi, tu verras ce soir, ça sera phénoménal. Oh, good boy, ce soir sur la piste, on va faire danser tout illégal. Tous dans la dancehall, du baby style. On check le mic pour mettre ça official. On n'est pas prêt de s'arrêter. Non. On va même continuer. Ouais. Pour les enfants du ghetto, on fait tout pour rester au niveau. On met la base bien haut. On ne lâchera jamais le morceau, ça fait. Comme la gaine. C'est le broda, avec son système. Gimme la mic again. Tout le monde sur la scène, se déchaîne again. Comme la gaine. C'est le broda, avec son système. Gimme la mic again. Tout le monde sur la scène, se déchaîne. Laissons la vibe nous guider. Elle seule sera nous faire bouger. À n'importe quelle heure et dans n'importe quelle soirée. Tout le monde sait qu'ici c'est toujours Broda vibe stylé. On vient de l'école des sound systems et c'est toujours celle qu'on aime. Depuis le début, fait que depuis pas, on n'a jamais eu de problème. C'est pas la peine de vouloir nous stopper, car la flamme qui nous anime toujours c'est celle de chanter. Je ne veux pas non plus que c'est cette unité. Je ne veux pas que la musique puisse être arrêtée. Je veux simplement que tous les massifs présents se mettent à jumper. Comme la gaine. C'est le broda, avec son système. Gimme la mic again. Tout le monde sur la scène, se déchaîne again. Comme la gaine. C'est le broda, avec son système. Gimme la mic again. Tout le monde sur la scène, se déchaîne. Way I. Du bon son efficace. On fait danser ta copine. Tu verras que la musique restera toujours fine. Notre seule arme est la bonne humeur. La musique qui coule dans nos veines restera dans nos cœurs. Car comme tu le sais, on est encore là. Sur le microphone pour faire bouger toutes les sisters. On n'a pas de combine en soirée, juste foutre le dawa. On filme le rythme et toi tu lèves le bras. C'est ça, on ne lâchera jamais le combat. Quoi qu'il puisse arriver, on est des freedom fighters. On est des dance warriors. Comme la gaine. C'est le broda, avec son système. Gimme la mic again. Tout le monde sur la scène, se déchaîne again. Comme la gaine. C'est le broda, avec son système. Gimme la mic again. Tout le monde sur la scène, se déchaîne. Yes, I. Matty qui bail. Bordel. Wayo.